serai la fameuse, là, comme la fille qui convainc. Je suis de loli que chaque loli reconnaît. Je serai celle qu'on admire, celle qui va éblouir. Je suis style de loli que chaque loli reconnaît. Devenir aussi célèbre qu'on pourrait le souhaiter. Trouver ma place dans la communauté. Être la reine du bal et d'étoiles qui va naître. Yeah, je suis le loli que chaque loli reconnaît. Je les vois pendus à chacune de mes cordies, attendant l'approbation de leur idole. Loin de la pâle réplica, je suis la crème de la crème. Je suis la loli que chaque loli reconnaît. En rue, anti-party ou même Valentine, dans tout internet, partout on ne parlera plus que de moi. Loin de la pâle réplica, je suis la crème de la crème. Yeah, plus style loli que chaque loli de crème. Parce que je suis le style de loli, je suis le style de loli. Je suis le style de loli que chaque loli doit connaître.